En Guinée et en Indonésie s'est déroulée du 5 au 8 courant la visite aux sœurs de Kim Il-sung-ya à l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Y étaient exposées des photos présentant les exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que des œuvres classiques des grands hommes Paektosan, les Kim Il-sung-ya fleurs d'honneur imbues de la vénération du monde entier, les photos de diplômes et médailles reçues dans les expositions et floralies au niveau mondial, des livres et photos de l'aspect fier de la Corée de Sun-kun. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants.